Chapitre 2e, où le comte de Sauvran fait une fin. Cependant, Octave répétait malgré lui les dernières paroles du ramoneur. Elle lui avait inspiré une idée si nouvelle qu'elle lui en paraissait étrange. « Mon mariage, » pensa-t-il. « Comment n'ai-je pas songé à cela plus tôt ? C'est peut-être une variété de bonheur qui m'échappe. À moi qui me flattais de les avoir connus tous, moi qu'on appelait l'homme heureux par excellence. Qui sait ? Un intérieur calme, une vie paisible et occupée, de beaux enfants roses qui se penchent à votre cou. Une jeune et jolie femme chaste et pure, comme elle. Allons encore cette image obstinée. » Il en est de ceux qui ont beaucoup vécu comme des grands liseurs. Chez ces derniers, il y a tel passage remarquable, telle phrase artistement fouillée, telle pensée profonde et vraie, qui jaillit tout à coup dans leur mémoire, sans qu'ils puissent se rappeler ni à quel auteur elle appartient, ni dans quel livre ils l'ont puisée. Ainsi des hommes très répandus. Une figure les frappe ou les émeut, ils s'arrêtent, l'admirent, et l'enfouissent à leur insu dans quelque obscur casier de leur cerveau. Les années s'écoulent, puis un jour, au moment où ils y songent le moins, cette même physionomie se dresse dans leur esprit, nette et bien accusée, sans qu'il leur soit possible de lui assigner un nom ou de préciser en quelles circonstances ils se sont trouvés en contact avec elle. C'est ce qui arrivait à Octave. Il existait quelque part où, il n'eût su le dire, un suage visage de femme qu'il se fût senti capable d'aimer. Parfois, dans ces rares instants de satiété et d'insomnie, de magnifiques cheveux blonds encadrant un ovale d'archange, de grands yeux d'un bleu sombre frangés de longs cils noirs et fixés sur lui avec une tendresse inexprimable, s'était penché sur son chevet. Ce n'était point un rêve de son imagination, c'était un souvenir réel. Cette femme, il l'avait vue. Il avait senti, en passant près d'elle, qu'une impression mystérieuse, amour ou pressentiment, prenait place au plus profond de son être. Puis tous deux s'étaient séparés. Chacun avait repris son courant, et Octave, au milieu de cette agitation dévorante où ses heures se fondaient volatilisées à tous les ardents creusets de la vie parisienne, Octave avait oublié la douce et fugitive vision qui ne lui apparaissait plus qu'à de rares intervalles et pour s'évanouir aussitôt. Et voilà qu'aujourd'hui, à cette minute suprême où il établit le bilan de son passé, tandis qu'il s'étonne et se plaint du vide de son cœur, tandis qu'il en remue les cendres, voilà qu'il y retrouve un lingot d'or oublié. Il comprend que cette femme, il l'eût aimée, et qui sait, il l'aime peut-être. Mais en quel lieu, mais à quelle époque l'a-t-il rencontrée? C'est ce que ses souvenirs refusent de lui rendre. Il sent seulement qu'il l'a vue au milieu de circonstances fatales, car à son image se rattache dans l'esprit d'Octave je ne sais quelle vague idée de souffrance aiguë, de douleur physique. Décidément, s'écria-t-il enfin avec dépit, il est temps de faire une fin, comme disent les célibataires de la rue Saint-Denis, car le diable m'emporte. Je crois que je tombe en enfance. Ne vais-je pas adorer un ange, une femme inconnue, comme un jeune premier? Ou bien me forger un amour idéal à l'instar des pensionnaires qui rêvent un mari à moustache et sans engelure? Il éclata d'un rire un peu forcé, et regarda autour de lui. Il se trouvait dans une sorte de clairière déserte et silencieuse où, certes, il ne courait aucun risque d'être dérangé. Avec un peu d'imagination, il eût pu se croire au fond d'une forêt vierge de l'Amérique. Un vent tiède jouait dans le feuillage naissant et réveillait à chaque bouffée le frais caquetage des oiseaux jaseurs, tandis que les derniers rayons du soleil, filtrant de ramure en ramure, tombaient çà et là en minces bandes de pourpre sur le gazon. De petits nuages blancs et roses nageaient dans les profondeurs cérulées du ciel. « La belle journée !» dit le comte en aspirant à plein poumon cette atmosphère ambrée de molles senteurs. « N'est-ce point fait pour moi ?»« Oh, philosophe, grand niais, qui ne voyez dans le suicide qu'un dérangement du cerveau, que ne pouvez-vous me tâter le pouls à cette heure ?»« Certes, je ne suis ni fou ni désespéré. » Je jouis bien de toutes mes facultés, et cependant j'éprouve une joie réelle à penser que je vais m'endormir pour toujours au milieu de ces parfums et de ces rayons. » Tout en parlant, il promenait ses regards autour de lui et semblait chercher quelque chose des yeux. Il aperçut bien vite un énorme chêne qui, penché à demi sur la clairière, faisait frissonner ses feuilles avec un doux bruit. Voici mon affaire, dit Octave en s'approchant. Comme il examinait l'arbre avec un sourire de satisfaction, il remarqua sur son écorce des caractères gravés à la pointe d'un canif. Le comte prit son lorgnon et lut 30 mai 1846. « Eh bien, mais, dit-il, c'est aujourd'hui le 30 mai 1846. Que signifie cette date? Est-ce que la fée que je me suis toujours soupçonnée pour ma reine aurait poussé la complaisance jusqu'à me désigner le chêne où je dois suspendre ma dépouille mortelle? En ce cas, méfions-nous, car sans nul doute la branche cassera. » Il monta avec agilité dans l'arbre et se suspendit par les deux bras à une maîtresse branche qui s'allongeait noire et rugueuse sur la clairière. La branche ne plia même pas. « Bon, » dit Octave en se laissant retomber à terre, « ma marraine n'est pour rien là-dedans. » Deux amoureux venus ici ce matin auront voulu perpétuer à jamais le souvenir de leur rencontre. Ça se fait très bien, de 18 à 20 ans, ces charmants béotismes-là, pour vos enfants. Si vous revenez demain, je doute fort que vous choisissiez ce même endroit pour y échanger vos aveux. Or ça, maintenant, à l'œuvre. » Il dénoua sa cravate et s'occupa d'y préparer un eau coulant. « Ce serait pourtant le moment, » continua-t-il, « de consommer une élégie en alexandrin à rimes croisées. Tout mourant qui se respecte se doit cette dernière politesse, mais le temps me manque, et je vais tout prosaïquement prendre congé de l'existence. » Quelques minutes le séparaient encore de l'heure qu'il avait fixée pour sa mort. Il s'adossa aux chênes et attendit. Quiconque eût aperçu sa physionomie reposée et son sourire ailleurs, le prit pour un poète paresseux qui s'enivre de soleil et qui se laisse vivre avec délices. « Si elle était radieux, » pensait Octave, « vous n'avez rien de neuf à m'offrir. Je vous quitte avant que la satiété m'énerve, avant que l'ennui me prenne à la gorge. Je m'en vais, jeune et beau, fier et joyeux. Je ne verrai tomber ni mes dents, ni mes cheveux, ni mes illusions, s'il m'en reste. Et je nargue la vieillesse avec ses catarrhes et ses rhumatismes. Adieu, cher et splendide Paris. Poésie matérialisée, vivante idéale. En retour de tes faveurs, ô Danaï moderne, il te faut, non une pluie, mais une trombe d'or. Je me suis transformé en déluge et tu m'as saturé de tes caresses. Adieu, Paris. Demain, j'émaillerai la troisième page de tes journaux, entre un boursier malheureux et une couturière délaissée. On se perdra en conjectures sur ma fatale résolution. Après-demain, on aura oublié que j'existais. Femme au front candide, beaux anges venimeux, fille d'Ève et du serpent, vous qui m'avez si adorablement trompé et à qui je l'ai si consciencieusement rendu, adieu. Vous tous, enfin, ô mes amis, ô mes ennemis, ô mes débiteurs, ô mes usuriers, quadruple expression pour désigner une seule et même chose assez hideuse, je vous quitte aussi sans vergogne. Vous ne me verrez pas marcher sur mes tiges, porter des chapeaux à reflets rougeâtres, ni des habits de l'an passé. Vous n'aurez pas la suprême satisfaction de vous écrier. Ce pauvre comte, je l'avais bien dit. Cher partenaire, la partie ne m'amuse plus. Je fais Charlemagne, et vais vérifier si les bruits qui courent sur un monde meilleur ont un peu de consistance. Le noeud coulant était fait. Octave resta un instant pensif. Un instant, sa figure sarcastique prit une expression d'ineffable douceur, presque de recueillement. Quelque chose comme un soupir effleura ses lèvres. Quelque chose comme une larme brilla dans ses yeux. Hésitait-il? Non. Mais une gracieuse image de femme avait encore traversé sa pensée, et lui sembla que cette femme inconnue fixait sur lui un regard de douloureux reproche. Ce ne fut qu'un éclair. Octave de Soubrance secoua la tête pour en chasser la vision obstinée, et son insouciant sourire apparut sur ses lèvres. Il épousseta ses bottes légèrement maculées de poussière, passa une main dans ses cheveux, et attacha solidement sa cravate à la branche du chêne. Puis, après avoir attendu que l'aiguille de sa montre marquât 6 heures précises, il jeta le bout de son cigare, se passa le nœud autour du cou, et se lança dans l'éternité.